Bonjour à tous, c'est Marion, vous êtes bien sur Radio Gémozo. On se retrouve aujourd'hui, en ce 30 avril, pour parler sport. Et oui, il y a un petit peu d'actualité en ce moment et principalement, on va parler du hockey sur glace. Je sais qu'il y a des fans de hockey sur notre antenne et je reçois aujourd'hui le président Gauthier Valence. Bonjour Gauthier. Bonjour. Comment ça va? Comment tu vis ce confinement? Ah, je le vis bien, on va dire plutôt. J'ai la chance d'avoir une maison et du terrain, ce qui permet à, on va dire, à mes enfants de profiter un peu du soleil qu'on a en ce moment, bon, sauf aujourd'hui. Oui, mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est un peu compliqué. Et puis, je travaille un petit peu. Je travaille pas comme d'habitude, mais je travaille un petit peu. Donc, je le vis plutôt bien. Ouais, c'est vrai qu'avoir une maison avec un jardin, j'ai le même cas, c'est vrai que ça aide. On peut sortir, prendre un peu l'air. On pense à ceux dont la situation n'est pas aussi facile, hein, dans des appartements, c'est sûr que c'est compliqué. Tout à fait. Alors on va parler hockey sur glace, hein, avec toi, président de l'EHC depuis 2 ans. Et quel chemin tu as fait, hein, en tant que président? On va faire un petit point pour ceux qui n'auraient pas suivi toute l'histoire. Les Gémio ont fait faillite, tu as repris la Gémio Academy avec une équipe en Détroit. Ça s'est très bien passé puisque la même année, cette équipe a été sacrée championne. Cette saison, c'était en D2. Un parcours là aussi incroyable, mais stoppé eh bien, en raison de la crise sanitaire. Comment tu l'as vécu parce que c'est vrai qu'on était tous dans l'ambiance avec ce chemin incroyable, hein, et cette ferveur à la patinoire. Et puis là, tout d'un coup, paf, ça s'arrête. Alors c'est un peu compliqué de le digérer au départ parce que c'est vrai qu'en début de saison on s'était donné comme objectif de faire 2 tours de play-off et au vu des résultats et des performances de nos joueurs, on se voyait bien comme la saison d'avant, terminer à sabrer le champagne dans le vestiaire tous ensemble. Donc on avait quasiment, bon, pas tout prévu parce qu'on attendait quand même les matchs, mais on s'était préparé psychologiquement à revivre la même chose. Donc c'est vrai que ça s'arrête du jour au lendemain, en plus assez brutalement, parce qu'il n'y a donc pas eu de match amical ou quoi que ce soit. Il a été décidé par la Fédération française de hockey, que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils ont pris une décision qui, je pense, fallait prendre rapidement. Oui, qui n'était pas facile à prendre non plus. Bah, tout à fait, parce qu'il a fallu stopper l'ensemble des championnats et ensuite prendre une décision un peu radicale, ce qui s'est fait un petit peu avant le gouvernement, mais ce qui s'est fait pour moi dans les temps. Sans que les clubs soient trop pénalisés financièrement. Mmh, ouais. Donc, on l'a mal vécu sur le départ, et après, c'est vrai qu'au vu des conditions sanitaires et de ce qu'on a vécu personnellement, on s'est dit que c'était la meilleure des solutions. Oui, avec le recul, on prend un petit peu mieux la situation. Mais c'est vrai que quand ça s'est arrêté, hein, on s'est vu début mars, on était tous dans l'euphorie du parcours incroyable, hein, que réalisait encore cette année l'équipe d'Épinal. Et c'est vrai qu'on se disait, eh bien, la finale, elle peut avoir à Épinal, hein, il reste pas grand chose pour avoir la même fête que l'année passée. Et c'est vrai que là, ça s'arrête, mais au vu de la crise sanitaire qu'on vit actuellement, et on est fin avril et c'est toujours pas réglé, c'est vrai qu'on se dit que la situation qui a été prise est la bonne. Et d'ailleurs, le championnat de hockey a été l'un des premiers championnats à s'arrêter complètement. Par exemple, le foot, ça s'arrête seulement maintenant. Enfin, c'est officiel depuis seulement maintenant. Oui, tout à fait. Alors, le hockey, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au niveau entretenir une glace dans une patinoire, déjà, c'est relativement coûteux. Donc, financièrement, pour les communautés d'agglomération ou les villes, c'est relativement coûteux, hein, de maintenir une glace. Et de plus, on n'a pas, comme dans le football, des créneaux extensibles. C'est ça, ouais. On peut pas jouer sur une glace au mois de juillet, c'est quasiment impossible, au vu des températures extérieures. Donc, il fallait que la fédération prenne une décision rapidement, quand on prend un peu de recul, effectivement, comme tu disais, c'est la bonne décision qui a été prise, parce que là, fin avril, c'est toujours pas réglé, et nous, l'avantage, c'est qu'on a été prévenu relativement tôt pour éviter d'engager des frais sur des déplacements qui n'auraient pas eu lieu. Oui, ou encore un risque de contamination au sein de l'équipe qui aurait pu entraîner là aussi une catastrophe, parce que il y a des contacts, hein, au hockey, hein, on le rappelle, hein, c'est un sport de contact, et dans le vestiaire, eh ben, il y a 30 personnes à chaque match là aussi, donc ça peut vite engendrer une grosse contamination. Oui, tout à fait. Et surtout que nous on avait pris quelques dispositions par rapport au lavage des maillots, à la désinfection, et puis à l'hygiène en général dans le vestiaire. Mais on n'est pas à l'abri que le virus arrive de l'extérieur et puis contamine tout un vestiaire. C'était la crainte la plus importante de nous, dirigeants, et de l'équipe sportive. Heureusement pour nous, et tant mieux, il n'y a eu aucun cas de décès, en tout cas à ma connaissance, au sein du club. Ouais, c'est une très bonne chose. Alors, tu as annoncé, enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours maintenant, une très bonne nouvelle a été annoncée. Hein. Tout le monde l'espérait, l'attendait. Eh bien, c'est la montée en D1, ça y est, c'est officiel, c'est acté par la fédération. Alors, il reste encore un petit passage devant la commission de gestion, hein, c'est ça, pour être sûr et définitif d'être en D1 la saison prochaine, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, comme tous les ans, cette année, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas une montée sportive, il y a une montée administrative. Voilà, ouais. On aurait préféré, hein, comme tout club, monter sportivement et puis pouvoir profiter de cet instant tous ensemble. C'est sûr. Malheureusement, au vu des conditions sanitaires, c'était compliqué. Donc, la fédération nous a demandé de déposer un dossier de candidature, tout simplement parce qu'on était le mieux classé. On était quatre équipes, hein, restées dans les playoffs. Donc, les quatre ont été consultés pour déposer un dossier. Et puis, là, elle a déposé un dossier et au vu du dossier qu'on a déposé, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a eu le temps de le monter, étant donné qu'on était quasiment tous au chômage partiel. Voilà, ouais. Donc on a pu monter un dossier relativement professionnel. La commission de gestion a donné un avis sur ce dossier. Et dans tous les cas, on aura quand même un passage devant la CNSCG, donc au mois de juin, comme ça se fait dans toutes les divisions. Voilà, mais a priori, il n'y aurait pas... pas de contre-ordre à ce que Épinal soit en D1 la saison prochaine. Enfin, on va avec la commission de gestion, parce qu'on va avoir des choses imposées, hein, obligatoirement, quand une équipe monte d'une division. Comme ça a été le cas pour nous, de la D3 à la D2, on a eu un encadrement de la masse salariale, oui. Et puis une surveillance, on va dire, de l'ensemble du club sur la totalité de la saison. Mais ça se fait pas que pour Épinal, ça se fait systématiquement pour un club qui monte d'une division. Et de plus, cette année, la fédération va confirmer, et je pense que c'est une très bonne chose, on aura un accompagnement de la Fédé, alors notamment sur notre partie formation et sur notre partie jeune. Épinal est un club qui a beaucoup de licenciés, et il y a une telle ferveur autour du club de hockey que la fédération... Bah forcément, on va demander un peu plus sur nos jeunes, sur notre équipe première, sur notre organisation, par rapport à nos clubs qui dépassent pas les 200 licenciés. Mais on aura un accompagnement de la Fédération française de hockey sur ce point, et avec également la Ligue Grand Est. Ah bah c'est une bonne chose, comme ça, ça permet d'aller dans le bon sens également et pas de partir dans plusieurs directions. Il y a un accompagnement, ça donne une ligne directrice. Tout à fait, c'est ça. C'est d'accord. Exactement ça. Ah bah c'est super. Et depuis donc l'annonce de la D1, eh bien il y a des annonces qui sont faites, hein, sur des recrues, sur des reconductions ou encore des retraites, hein, comme Guillaume Chassard et Guillaume Papelier. Est-ce que pour cette nouvelle équipe, puisque on le rappelle à nos auditeurs, tu vas bientôt arrêter la présidence de l'EHC, est-ce que pour cette nouvelle équipe, est-ce que tu t'impliques? Ou alors tu laisses carte blanche à la future nouvelle équipe dirigeante? Alors, je laisse carte blanche, tout simplement parce que, comme tu l'as expliqué, moi, je laisse la présidence à la fin de la saison. Donc officiellement, je suis encore président jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Mais officieusement, je ne gère plus, on va dire, le club, sauf que en tant que président et en tant que signataire des contrats, je me dois tout de même de garder un œil sur ce qui se passe et sur ce qui se fait, et sachant que le budget prévisionnel qui a été présenté à la Fédération française de hockey pour la montée en D1, il a été monté en corrélation avec la nouvelle équipe. Donc, on va dire, sportivement, je laisse les choses se faire, tout comme je l'ai laissé faire sur l'autre année, hein, parce que c'est pas mon métier. Mais en revanche, administrativement, j'ai toujours un mot à dire. D'accord. Et donc on est toujours en crise sanitaire. Est-ce que au niveau de la fédération, il y a déjà quelques petites informations qui vous sont parvenues au club par rapport à l'équipement la saison prochaine, hein, parce que on sait que cette crise ne va pas se terminer malheureusement du jour au lendemain. On le disait tout à l'heure, le hockey est un sport de contact, hein, il y a 30 personnes également dans les vestiaires environ. Alors, est-ce que la fédération vous a déjà donné quelques lignes, ou alors est-ce que au sein du club, hein, vous vous êtes déjà renseigné pour savoir comment faire pour la saison prochaine? Alors, on a eu des discussions avec la Fédération française de hockey par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est difficile, eux comme nous, de se prononcer sur ce qui va se passer en septembre, parce qu'on ne sait pas réellement comment va réagir le virus aux fortes chaleurs d'été. Donc, soit on reprendra vraiment normalement, comme si de rien n'était, soit on aura des contraintes, on va dire, techniques à mettre en place. Et aujourd'hui, on les anticipe. On les anticipe en interne, en regardant un petit peu ce qui est possible de faire, D'accord. Notamment avec des visières plexi intégrales, Ouais. Comme ça peut se faire sur du mineur, avec l'éventualité de les faire redécouper en milieu de saison quand il n'y en aura plus la nécessité. Mais aujourd'hui, on pense pas trop à ça, on pense surtout à repartir comme si comme une saison standard, tout en restant prudent, bien sûr, sur des normes d'hygiène qu'on a gardées sur la fin de saison, mais pas en ayant des normes, on va dire, trop drastiques à mettre en place. D'accord. Et au niveau des tribunes, parce que par exemple, à Poissompré, hein, c'est 2 500 personnes à chaque match, hein, on va pas se mentir, la patinoire est pleine à craquer à chaque fois. Mais 2 500 personnes, à l'heure actuelle, ça paraît invraisemblable. Et en septembre, on peut déjà se poser quand même un peu la question de savoir comment ça va se passer, parce que là aussi, en tribune, les gens sont les uns à côté des autres. Ah oui, tout à fait. Mais en septembre, c'est dans 3 mois, 3 mois et demi quasiment. On espère que les choses auront évolué d'ici là. En 2 mois et demi, pardon. Non, 3 mois et demi, excusez-moi. 3 mois et demi. Je me perds un peu. Du coup, on espère que les choses évolueront dans le bon sens. Et dans tous les cas, en tout cas, la nouvelle équipe se fiera aux normes qui seront imposées par le gouvernement ou par le département. D'accord. Et c'est vrai que si ça devait se faire à huis clos, ce serait une ambiance un peu particulière, hein, parce qu'on sait qu'à Épinal, hein, le public est un fervent supporter de son équipe. Et Oui, tout à fait. Bon. ouais. On le rappelle jamais assez, hein, nos supporters sont le septième homme, clairement, sur la glace. Ils font partie intégrante du club. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on arrive à recruter des joueurs qui ont envie de venir à Épinal, non pas seulement pour le cadre de vie, hein, parce qu'Épinal est une ville très agréable, mais également pour la patinoire et pour la ferveur qui est autour du hockey. Mais aujourd'hui, le huis clos, on a grandi sur les derniers matchs. Quand le gouvernement avait annoncé que moins de 1 000 personnes pourraient se rassembler dans un lieu clos, le huis clos avait été envisagé sur éventuellement un match. Ça s'est arrêté avant, donc on n'a pas eu à le faire. Ce serait, on va dire, déjà d'un point de vue financier, compliqué pour le club, Tout à et fait. puis d'un point de vue sportif, désastreux pour les joueurs et pour les supporters, parce que c'est on va à la patinoire aussi pour l'ambiance qu'il y a, pas seulement pour les sports. On y va pour un coup. Donc pour l'instant, je préfère même pas y penser. Je l'avais dit dans les tribunes de Vosges Matin, je ne préfère pas imaginer Poissompré sans public. Pour l'instant, je préfère pas l'imaginer. En tout cas, on espère qu'en septembre, on pourra reprendre dans des conditions sanitaires normales. On l'espère tous. Et en parlant des tribunes, hein, tu es un passionné de hockey avant d'être président de l'EHC. Hein, on se connaît depuis quelques années maintenant. Hein, tu étais dans les tribunes de supporters. Est-ce qu'on t'y retrouvera la saison prochaine? Alors oui, bien sûr. Alors certaines, peut-être pas au premier match, parce que comme je l'ai indiqué dans le communiqué qu'on a fait sur les réseaux sociaux, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné durant ces 2 ans et demi. Ouais. Donc je pense que, comme à mon habitude, je ne verrai pas beaucoup le match, mais j'irai plutôt, si, en tout cas si je le peux, serrer des noms et faire des grandes bises et remercier chacun, si je le peux, un par un, pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée et tout le soutien. Mais c'est certain que je retrouverai mes habitudes en tribune supporter de temps en temps dans la saison. Justement, tu enchaînes bien sûr ma prochaine question qui était des remerciements à adresser aux partenaires, aux bénévoles ou encore même aux joueurs ou même aux supporters. Alors, à chacun, c'est alors déjà aux supporters parce qu'ils ont été, ils m'ont fait confiance, ils nous ont suivis déjà quand c'est tombé en fin de saison 2018. J'ai repris la Gabio Academy en février, au mois d'avril, le Gabio SASP s'effondrait. Donc ils m'ont suivi, ils m'ont accompagné dans leur explication et puis surtout pendant les matchs qu'on a démarré la saison 2018-2019. Donc un grand merci à tous les supporters pour tout ce qu'ils ont fait et nos spectateurs également. Un grand merci également aux partenaires parce qu'ils ont été là du début à la fin. Tout comme les supporters, ils nous ont fait confiance, ils nous ont suivis. À l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré toute la saison dans les différents bars, dans les différentes entrées, également l'ensemble du comité, les personnes donc qui m'ont accompagné durant ces deux saisons. Donc je pense à Anne, je pense à Cathy, à Christophe, à Thierry, à Pascal, à Eric, à Sabine, à Bruno, qui ont été là tout au long de ces deux ans et demi, et également toutes les institutions qui nous ont aidés, et je pense aussi à ma femme et à mes deux enfants. Qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours poussé pour y aller encore plus. Et je leur vends bien, on va dire, une année de calme et de repos à la maison pour pouvoir un petit peu m'occuper d'eux, parce que depuis deux ans et demi, c'est eux qui ont été largement mis de côté. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, tu étais président, mais à titre bénévole. Hein, donc c'était sur ton temps personnel hein, que tu faisais la présidence de l'EHC. Donc ceux qui gèrent une association hein, peuvent bien se douter que le temps apporté à une association, c'est du temps en moins pour la famille. Donc on peut comprendre ta décision d'accorder un peu plus de temps à tes enfants ainsi qu'à ta femme. Écoute Gauthier, je te remercie pour ces quelques minutes ensemble. Je te souhaite une bonne journée, un bon courage avec cette crise sanitaire qui n'est pas finie. Et nul doute qu'on se retrouvera dans la patinoire de Poissompré, espérons-le, dès le mois de septembre. Je l'espère aussi, à très bientôt, merci à toi et puis on se revoit à Poissompré pour les encourager encore une fois. Merci à toi. Marche, ciao ciao.